529 activation, oral, negation, ne pas. Answer according to the example. You hear, ça va? You answer, non, ça ne va pas. Deux. C'est amusant? Non, ce n'est pas amusant. Trois. C'est facile? Non, ce n'est pas facile. Quatre. C'est un joli prénom? Non, ce n'est pas un joli prénom. Cinq. Il est marié? Non, il n'est pas marié. Six. Il est divorcé? Non, il n'est pas divorcé. Sept. Il est riche? Non, il n'est pas riche. Huit. Il est ingénieur? Non, il n'est pas ingénieur. Neuf. Il travaille? Non, il ne travaille pas. Dix. Et il aime ça? Non. Il n'aime pas ça. 11. Vous parlez français? Non, nous ne parlons pas français. 12. Vous êtes français? Non, nous ne sommes pas français.